brûlons ensemble tous nos papiers, morts aux frontières et au monde d'hier. Brûlons les centres de rétention, les CER et toutes les prisons. Aucun humain n'est illégal aux yeux de ma loi. Aucun paria, aucun pays, aucune nation n'appartient à aucun État. Notre silence, indifférence, fait de nous tous la masse consentante. Pourquoi laissons-nous les puissants enfermés, hommes, femmes, enfants? Derrière les grilles, des gens se meurent. L'enfermement, tueur par heure. Ta charité, brave citoyen, ta bonne conscience, juste ça sert à rien. Je suis démocrate, je suis socialo, je vais voter, plier soumis. Je suis indigné, oui mais pas trop, car mon confort, ben j'y tiens aussi. Notre cerveau s'est repensé, notre cœur, notre trip à se révolter. À quoi peut bien servir un cul lorsqu'on reste assis dessus? Brûlons ensemble tous nos papiers, morts aux frontières et au monde d'hier. Brûlons les centres de rétention, les CER et toutes les prisons. Ficou, soldat, maton, gendarme, bourgeois, facho, tueur, patron. Car à vos faces, on dresse nos armes, que crève ce monde. On est toujours sur Radio Cayenne. On est toujours le lundi 26 novembre. Il est 21h09 et on espère que vous n'êtes pas aussi fatigués que nous parce que sinon vous devez trop galérer. Radio Cayenne est fatiguée. On vous annonce même qu'on va finir un petit peu plus tôt ce soir pour se reposer et revenir encore plus en forme lundi prochain. Et là après, on va remettre un petit peu de musique. Après la musique, on aura la chronique sur des trucs à regarder, à écouter. Après, on va passer une vidéo, mais vous aurez que le son, qui éclate Braise Info. On parlera des squares qui sont pas prêts de réouvrir à Nantes. Et on fera un agenda, et peut-être même que si on est encore trop fatigué, et ben on fera pas tout ça, et qu'on gardera des trucs pour la semaine prochaine, et on ira tous dormir, et on vous laissera avec le 24-24. Ça, bon, bah, ça dépend un peu de la forme. Try to get close. There is always something big I'm thinking about. XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO. You're tweeting me like Tweety Bird on your iPhone. You want me? XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO. Bye. quick to see you can download and store. We can find ways to spam what you know. I can be the actress, you be Tarantino. XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO, XXXO. Salut, salut! On est toujours sur Radio Cayenne et je mange des cookies au chocolat. Et vous êtes tous jaloux, jalouses. Bien fait pour vous. Non, je blague. Les gens, ils se moquent de moi dans le studio. Et. Ah, d'accord, ça va. Je suis un peu susceptible, c'est moi, pardon. Quand je touche, je suis fatiguée, je suis malade parce qu'il fait froid, qu'il a pas arrêté de pleuvoir. Et voilà. Mais j'ai quand même des trucs à vous proposer à écouter et regarder cette semaine. Alors, on a une série et un groupe de musique. Donc, vous préférez commencer par le groupe de musique ou par la série ? La série ! La série ! La série ! La série ! Ouais ! Alors, la série, ça s'appelle Maniac. Maniac en français. Voilà, maniac, c'est un mot anglais qui veut dire fou, malade mental, à peu près. Mais c'est pas très bien traduit. Ça fait partie de ces mots qui sont pas super bien traduisibles dans leur exactitude en français. Et du coup, c'est dispo sur Netflix et sur plein de plateformes de streaming et de téléchargement illégal. Parce qu'on n'a pas tous ces moyens de payer 10 balles par mois. Et du coup, pourquoi j'ai bien aimé Maniac ? Ben, j'ai bien aimé Maniac parce que ça parle de santé mentale. Et j'ai trouvé que ça le présentait vachement bien. Donc le pitch, vite fait. On suit deux personnages principaux, un homme et une femme, qui vivent dans un univers, qui vivent à New York en fait. Et c'est ça qui est assez rigolo en fait, c'est l'univers, parce que c'est à moitié de la SF. Mais on a l'impression que ça se passe dans les années 80. C'est comme s'il y avait de la science-fiction dans les années 80 en fait. Avec plein de boutons colorés ultra kitsch partout. Et y a des choses un peu marrantes, enfin à la fois marrantes, horribles dans cet univers, par exemple, c'est que les gens, quand ils ont pas de sous pour payer, au restaurant, pour payer leur bus, pour payer n'importe quoi, ils peuvent faire appel à une compagnie publicitaire qui fait qu'il y a quelqu'un qui travaille pour la compagnie publicitaire qui vient leur lire des petites annonces de publicité à côté d'eux. Pendant un temps déterminé correspondant au montant qu'ils veulent payer en fait. Du coup on voit l'héroïne principale jouée par Emma Stone qui est au resto et pendant ce temps-là il y a une dame à côté qui lui lit des petites annonces en fait et aussi les gens quand ils ont pas de thunes peuvent vendre leur visage à des compagnies de pub et les compagnies de pub vont réutiliser les visages dans cette banque de données pour les faire apparaître sur des pubs dans l'espace public. Et c'est plein de trucs un peu comme ça, en mode, pour montrer que le capitalisme, c'est un petit peu nul, quand même. Et voilà. Sinon, pour en venir à nos deux personnages, alors c'est une série en 10 épisodes, et l'histoire est complète. Il n'y a qu'une seule saison. Ça, je trouve ça assez chouette. C'est pas un truc à rallonge. Ça peut se regarder d'une traite en un week-end ou en 2-3 soirées. Et y a deux épisodes un peu d'ouverture d'exposition. Dans le premier, on va suivre le personnage masculin principal, que je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas très important, qui a une quarantaine d'années. On sent bien que il se sent un peu bizarre vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis du monde qui l'entoure, qu'il n'a pas l'air super intégré socialement. Sa famille est une famille de gros bourges qui ont plein de thunes. Et lui, il refuse de dépendre d'eux, il vit dans un appart beaucoup plus modeste, avec un boulot assez à la con, dont il se fait virer pour une raison un peu bête. Et sa famille, en fait, lui reproche en fait de pas vouloir cacher le fait qu'il est malade parce qu'il a été diagnostiqué schizophrène. Et ce qui fait que non, la schizophrénie, du coup, en passant, c'est pas avoir une double personnalité. C'est plein de choses, notamment des hallucinations visuelles et auditives et des choses pas faciles. Ça peut être des crises de parano vraiment super douloureuses à vivre. Et lui, il est en plein là-dedans. Et sa famille lui demande de témoigner parce que son frère passe en procès pour je sais plus quoi, une connerie, c'est même pas trop dit. Demande de témoigner en faveur de son frère pour dire que oui, il était avec son frère à ce moment-là. Sauf que lui était avec son frère, mais c'était une de ses hallucinations récurrentes qui a la forme de son frère. Du coup, il vit assez mal le fait que sa famille le met à l'écart à cause du fait qu'il a une maladie mentale, mais en profite tout de même pour sauver sa peau. Et il décide un petit peu de leur dire fuck. Et voilà. Et du coup, l'autre personnage féminin joué par Emma Stone, c'est un peu une autre situation. C'est une jeune femme qui galère un peu, qui vit dans une coloc avec plein de gens, mais qui n'arrive pas à payer sa part du loyer, qui n'a pas envie de bosser, qui ne bosse pas, donc qui trouve des petites combines comme vendre son image à des espaces publicitaires, ce genre de choses, et qui en fait est accro à un médoc qu'elle a trouvé par des dealers dans un parc. Et en fait, pour continuer à se procurer ce médicament et avoir sa dose, elle va décider de participer à l'étude médicale en fait, où elle pourrait en avoir pour pouvoir en chourer. Du coup, elle va, à force de combiner, elle va s'inscrire à ce truc-là. Et c'est là qu'elle va rencontrer l'autre héros qui a décidé de s'y inscrire aussi parce que c'est une expérimentation. C'est une espèce de grande boîte un peu mystérieuse qui paye les gens très très cher pour des essais médicaux assez risqués. Et là, il y a une expérimentation où il a entendu dire que il y avait un médecin qui avait trouvé une manière de faire une thérapie en prenant seulement trois cachetons l'un après l'autre avec trois faces qui permettaient de poser un diagnostic très précis de pathologie mentale si on avait une et de justement faire la paix avec ça et de guérir. Donc lui, il va plutôt dans cet espoir-là. Elle y va juste pour avoir le premier médicament de la première phase. Et du coup, ouais, il y a, c'est à partir du troisième épisode que la phase étude médicamenteuse commence, et ça dure tout le reste de la saison. Et du coup, il y a des choses au niveau narratif qui sont assez intéressantes, parce que chaque pilule, en fait, va les endormir et les faire plonger dans une espèce de rêve hallucinatoire éveillé avec des éléments de réalité complètement distordus. Qui sont issus de leurs souvenirs, et ça fait des trucs un peu oniriques, un peu sous forme de rêve, où des fois ils se croisent entre les deux personnages, des fois ils se croisent pas, et à côté de ça, il y a un autre arc narratif, avec justement cette espèce de médecin un peu savant fou qui a mis au point un ordinateur, intelligence artificielle suffisamment fortiche en fait pour contrôler en fait l'esprit des participants, des cobayes, et savoir ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, et qui va avoir des problèmes avec son intelligence artificielle parce que on a décidé de lui programmer un sentiment d'empathie qui est un filet de sécurité pour pas que les cerveaux des cobayes grillent. Sauf que cette empathie, va faire que l'intelligence artificielle va tomber en dépression à un moment donné et va plus vouloir participer à l'étude. Et voilà, c'est des exemples de petits trucs sans trop vous en dire. Alors, pourquoi j'ai bien aimé ? J'ai bien aimé parce que ça parle de maladie mentale et d'addiction de manière super bienveillante, en fait, en montrant que le problème, c'est pas tellement le fait d'avoir une maladie mentale ou d'avoir une addiction, c'est plus la société et ton entourage, comment ils voient ça, comment ils te supportent ou pas, qui fait que c'est important. J'ai bien aimé aussi l'esthétique de l'univers, les décors. C'était vraiment assez chouette. Les musiques sont sympas. Les acteurs sont plutôt cool. Le mec, c'est un acteur connu. Enfin, je connais bien sa tête, mais je me rappelle plus de son nom. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. Je vous laisse regarder. Et du coup, avant de vous parler dans un second temps du groupe de musique Bagarre, je vais vous laisser avec un petit son de Bagarre, justement. On peut mettre... Je crois qu'on peut mettre clac-là. Et à tout à l'heure. Clac-le, clac-le, Carola Gégomina, clac-le, clac-le, Carola Gégomina, clac-le, clac-le, Carola Gégomina, clac-le, clac-le, Carola Gégomina. Ce garçon-là, ce garçon-là, donne-moi, ce garçon-là aime les claques. Hola, hola, hola, vous êtes toujours sur Radio Cayenne et on vient d'écouter Bagarre avec le titre Clacle. Alors, Bagarre, c'est qui ? C'est un groupe de gens. Ils sont 5, 4 garçons, une fille. Ils ont la vingtaine et ça fait à peu près 2 ans et demi qu'ils font pas mal de concerts dans plein d'endroits différents. Parce que c'est plus des gens qui se sont formés sur scène, qui ont testé leurs morceaux, leurs sets sur scène. Plutôt dans des clubs et des boîtes de nuit. Mais là-dessus, je peux pas trop apporter de précision, parce que j'ai lu des articles, des interviews d'eux, et j'ai pas tout compris. C'est un milieu super spécifique, et c'est pas trop ma culture. Et du coup, c'est un mélange un peu... Là c'était un morceau un peu plus électro, sautillant. Mais en vrai, ils ont plein d'influences. Ce que je trouve chouette, c'est qu'ils écrivent leurs paroles en français. Et du coup, c'est bien d'avoir des morceaux à la fois dansants qu'on peut écouter dans des soirées, dans des booms, dans des clubs, et d'avoir en fait des vraies paroles avec des trucs qui ont un peu de sens, quoi. Moi, mes morceaux préférés, c'est les morceaux qui sont chantés par la meuf, en fait. Je trouve que c'est celle qui a les paroles qui me touchent un peu le plus, même si les autres sont chouettes. Là, c'était une chanson, en fait, un peu marrante, qui parle de BDSM, en fait, de relations de domination-soumission, d'une domina qui fout des claques à son soumis, en fait. Et je trouvais ça rigolo pour un sujet de chanson. Voilà. Après, voilà, la musique, c'est subjectif. Vous les trouvez assez facilement leurs albums à écouter en ligne avec Bagarre. Et du coup, le son que j'avais envie de vous passer après, qui s'appelle Diamant, il a vraiment un clip hyper chouette. Je vous encourage à le regarder. Le scénario du clip, c'est on suit une ado qui a 13-14 ans, qui essaye de trouver un moment tranquille pour pouvoir se masturber, mais qui n'arrête pas de se faire interrompre soit par ses parents qui l'appellent à la table, qui ont l'air hyper chiants et grave de la saouler, soit par des appels téléphoniques de démarcheurs. Du coup, ouais, c'est un vrai plaidoyer pour la masturbation féminine et le fait de s'aimer soi-même aussi, et d'aimer son corps et d'aimer son autosexualité, que je trouve assez chouette. Et moi, ça me fait plaisir de danser sur des sons comme ça, en tout cas. Voilà. Donc, on va vous mettre tout de suite Diamant de Bagarre.